hommes politiques corrompus véreux. Spéculateurs affairistes, aux idées terroristes, nous promettent le meilleur, mais si nos se font du beurre. Vite une quête pour l'Éthiopie, et les Français on les oublie. L'espoir fait vivre, mais ne nourrit pas. L'espoir fait vivre, mais ça ne paye pas. L'espoir fait vivre, mais ne nourrit pas. L'espoir fait vivre, mais ça rapporte pas. Terrorisme intellectuel, journaliste superstar, ne remplissent pas nos gamelles, ne nous prennent pour des tards. Des vacances au Soudan, une excursion en Afghanistan, c'est bien plus intéressant que des chômeurs obéissants. L'espoir fait vivre, mais ne nourrit pas. L'espoir fait vivre, mais ça ne paye pas. L'espoir fait vivre, mais ne nourrit pas. L'espoir fait vivre, mais ça rapporte pas. Spectateur à la télé, spectateur dans la société, pas une dune pour bouger, juste le droit de mater. Ne soutiens pas les syndicats, complices de l'État. Boycott les médias, dirigés par l'État. L'espoir fait vivre, mais ne nourrit pas. L'espoir fait vivre, mais ça ne paye pas. L'espoir fait vivre, mais ne nourrit pas. L'espoir fait vivre, mais ça rapporte pas. L'espoir fait vivre, mais ne nourrit pas. L'espoir fait vivre, mais ça ne paye pas. L'espoir fait vivre, mais ne nourrit pas. L'espoir fait vivre, mais ça rapporte pas. Tous ces hommes politiques corrompus et véreux, spéculateurs affairistes aux idées humanistes, nous promettent le meilleur, mais sous nos dos se font du beurre. Ne soutiens pas cette bande de voleurs. L'espoir fait vivre, mais ne nourrit pas. L'espoir fait vivre, mais ça ne paye pas. L'espoir fait vivre, mais ne nourrit pas. L'espoir fait vivre, mais ça rapporte pas. Mais ne nourrit pas. L'espoir fait vivre, mais ça ne paye pas. L'espoir fait vivre, mais ne nourrit pas. L'espoir fait vivre, mais ça rapporte pas.